rien n'a changé. Même problème, même mode de vie. Les frères se meurent, le monde vaut manger. Coûte que coûte qui t'a enlevé des vies. Les petits grandissent et veulent se venger. Pour un proche ou bien pour un frère. Ils se traquent entre eux tout comme des étrangers. Peu importe qu'ils aient grandi comme des frères. La route roule toujours, c'est un cercle vicieux. Beaucoup ont faim, beaucoup trop d'ambitieux. Par des gosses qui veulent être des messieurs. Beaucoup agissent mais pas font de choix judicieux. Trop de vicieux, pas de voyant face à l'outil. Ça se rafale comme dans Call of Duty. Certains trahiront jamais frontières pour Toti. Et les Totorina et puis les Gauchis. On se dit pour le bif, parce que tu piges. À 20 piges, ça prend des 20 piges. Trop de merde de famille qui traumatise. Ils se rendent pas compte du mal qui s'inflige. Trop de litiges, le bise de pouvoir. Investir afin de promouvoir. Comme si enlever des vies était leur devoir. Avoir trop de sentiments t'empêcheront d'y voir clair. Entre frères, j'ai des voix qui s'enterrent. Ils s'entretuent pour un bif supplémentaire. Chacun pour soi, pour l'oseille, pas de place pour les faibles. Et tu veux un gros magot comme les panthères. Si on te pose des questions, c'est commentaire. Faut faire les comptes tous les soirs, c'est l'inventaire. Plus de sentiments, ils font du mal comme si de rien n'était. Grave, je fais un exam sur les galopères. Rien n'est gratuit. Assume ce que tu fais, faut pas regretter. Et tu n'as plus peur de faire nécessaire. Des kilos chargés dans le col d'été. Tous les soirs, c'est la fête, y'a rien à faire. Quitte à finir par terre à la bière pétée. Crois-moi, vaut mieux gérer tes affaires. Que des terres pétées, peu importe la peine, il faudra s'y faire. Assume ce que tu fais, faut pas regretter. Et tu n'as plus peur de faire nécessaire. Des kilos chargés dans le col d'été. Tous les soirs, c'est la fête, y'a rien à faire. Quitte à finir par terre à la bière pétée. Crois-moi, vaut mieux gérer tes affaires. Que des terres pétées. Avant, je voulais me confier. J'avais les mots, mais je trouvais pas l'air. Aux apparences, il faut pas se fier. Les vrais fils de pute n'ont pas l'air. Pour s'en sortir, il faut magouiller. La vie est trop chère pour un salaire. A rien faire, on finit par rouiller. En fumant dans le bloc, on respire un salaire. Et ça, même pour du beurre, tout est devenu banal. Ça t'en veut par pure jalousie. Certains font des millions, même en cavale. Ils n'ont de la France depuis l'Andalousie. Pour moi, dans la vie, tout se négocie. De la liberté, du pouvoir en poussie. Faut du blé pour combler nos soucis. Même le plus féroce, quand tu kiffes, ça t'oucie. Tu parles sur les dossiers. Viens pas, si c'est pour négocier. La jalousie, faut pas t'en soucier. Mon sous-estimé, je vais les bousiller. Entre associés, ils se niquent sans pitch. Pas de sentiment que des frères sans cœur. Que tu parles, vas-y, cesse ton speech. Pour réussir, on a le rap, bien dans le soccer. Vénère mon cœur, avant ils me regardaient. Ils font les philosophes, c'est des attardés. Tu voulais l'album, il va plus tarder. Ramène-nous n'importe quel rappeur, on va le bombarder. Le spectre se bat de prise, on se fait encarder. Faites tête à l'affiche, partout placardé. Rien ne sert de faire le pilote. Si c'est pour finir dans une embarquée. Peu importe la peine, il faudra s'y faire. Assume ce que tu fais, faut pas regretter. Les petits n'ont plus peur de faire le nécessaire. Les kilos chargés dans le golf GT. Tous les soirs, c'est la fête, y'a rien à faire. Quitte à finir par terre à la bière pétée. Crois-moi, vaut mieux gérer tes affaires. Que des terres traitées, peu importe la peine, il faudra s'y faire. Assume ce que tu fais, faut pas regretter. Les petits n'ont plus peur de faire le nécessaire. Les kilos chargés dans le col GT. Tous les soirs, c'est la fête, y'a rien à faire. Quitte à finir par terre à la bière pétée. Crois-moi, vaut mieux gérer tes affaires. Que des terres traitées, peu importe la peine, il faudra s'y faire. Assume ce que tu fais, faut pas regretter. Les petits n'ont plus peur de faire le nécessaire. Les kilos chargés dans le col GT. Tous les soirs, c'est la fête, y'a rien à faire. Quitte à finir par terre à la bière pétée. Crois-moi, vaut mieux gérer ses affaires. Que des terres traitées, peu importe la peine, il faudra s'y faire. Les petits n'ont plus peur de faire le nécessaire. Tous les soirs c'est la tête, y'a rien à faire. Crois-moi, vaut mieux gérer ses affaires.